Quand la terre s'ouvre sous tes pieds et que la mort est aux aguets, triste soleil, la nuit m'entraîne sous un ciel sans étoiles et où la lune est noire. Quand la mémoire fige l'instant et que la vie virevolte encore, triste soleil, la nuit m'entraîne sous un ciel sans étoiles et où la lune est noire. J'abandonne le vain espoir être autre chose qu'un humain. Triste soleil, la nuit m'entraîne sous un ciel sans étoiles et où la lune est. Sous un ciel sans étoiles et où la lune est. Sous un ciel sans étoiles et où la lune est noire.